Ma chouchoune, je voudrais te lire les 7 lettres sur un spaghetto. Ma chouchoune, je voudrais te lire les 7 lettres sur un totem. Ma chouchoune, je voudrais te lire les 7 lettres sur un chorizo. Ma chouchoune, j'ai gravé le mot « I love you » pour la Saint-Valentin. Ma chouchoune, donne-moi ta main sur une belle ladone. Ma chouchoune, je voudrais te dire les 7 lettres sur un taboulet. Ma chouchoune, donne-moi ta main sur un bigorneau. Ma chouchoune, ma colomba, mon coquillage. J'ai gravé le mot « I love you » pour la Saint-Valentin. Sinon, on me demande 35 heures, ça fait combien en minutes? 35 heures, ça fait 1h05, hein, c'est tout. Hein. Je vous demande de vous arrêter ou sinon je vous dis au revoir. Donc Destroy 2000, qui voulait savoir combien de millénium il y avait entre 2000 et 2001. Bah, il y en a 100. C'est marrant, sur l'air, si on me demandait comment allait ta vache folle, Gérard. Bah, la vache folle, c'est plus de la vache folle, c'est du poulet folle. En Belgique, j'y ai été, et c'est vrai que là-bas, ils ont des problèmes pour nous écouter, qu'ils nous écoutent avec un décalage d'une journée. Ta gueule ! Terminé, c'est fini.